quasiment rien à personne. Tout à coup surge d'un condo un fort bien monté bonhomme. Il porte un bien drôle d'uniforme, épaule pétero en l'air. Son père de prod pour se maintenir en forme, braguette ouverte, son slag aussi s'arrête. Contrôle d'identité, vos papiers s'il vous plaît. T'as intérêt à t'exécuter, sinon tu vas sucer. Tu vois, t'as sa matraque, son membre est gonflé. Si personne trop fort, il reste bien équipé. Excès vitesse, tu t'arrêtes, tu baisses ta vitre. Il se pointe sur ta portière, il pose sa bite. Avec un tabac-main, pas possible de venir de suite. En guise d'amende, il te demande à la stick bien vite. Casqué, beauté, un montant à gros piton. Il emporte les routes pour lever du giton. Shift des bus, garçon, prends garde à ton pion. Ce flic-là a trouvé le meilleur moyen de répression. Contrôle d'identité, vos papiers s'il vous plaît. T'as intérêt à t'exécuter, sinon tu vas sucer. Tu vas tenter sa matraque, son membre est gonflé. S'il perd sa tonfa, il reste bien équipé.